Chapitre 2e. Les yeux d'acier et les yeux de diamant. Dès maintenant, cette affaire prenait un tout autre caractère. Il ne s'agissait plus seulement d'un vol de diamants. Le commissaire fit aussitôt prévenir le parquet, la sûreté. On laissa ainsi à terre la malheureuse Bretonne, qui riait si franchement aux plaisanteries des clowns, pour les constatations judiciaires. Quand les magistrats arrivèrent, Eugénio, en l'absence du directeur, se porta au-devant d'eux pour se mettre à leur disposition. Le commissaire de police donna rapidement connaissance au juge d'instruction, au chef de la sûreté, du rapport qu'il établissait sur cette étrange affaire. Les magistrats demandèrent à voir les artistes à qui on avait dérobé les bijoux. Miss Hayden était venue rejoindre son amie Rosa dans sa loge. En accourant les prévenir, Eugénio leur dit avec empressement « Nous avons la chance d'avoir Paulin Broquet. »« Paulin Broquet ?» fit Miss Hayden. « Qui est-ce ?»« Ah, Miss Ida, un homme extraordinaire, le plus courageux, le plus fort, le meilleur des détectives français, européens, du monde entier. »« Vraiment, il est si étonnant que cela. Plus encore, c'est lui qui a vaincu Zygomar. »« Zygomar ?» fit en souriant Miss Hayden. « Qu'est-ce que Zygomar ?»« Le roi des bandits, qui se déclarait invincible, immortel. Eh bien, Paulin Broquet s'est attaqué à lui et Zygomar a disparu. » Parfait. Alors votre merveilleux Paulin Broquet pourra peut-être retrouver nos diamants et nous dire comment cette pauvre Yvonne est morte. D'autant plus que Paulin Broquet est un de mes amis. Il adore le cirque. C'est un grand amateur de sport qui apprécie les tours de force, de souplesse. Je dois même déclarer, Miss Ida, que Paulin Broquet est votre plus fervent admirateur. Ah ? Fit seulement Miss Hayden. Mais elle prononça ce « ah » sur un ton si étrange que le régisseur la regarda avec surprise. Elle eut comme un sursaut qu'elle ne put réprimer et baissa aussitôt ses paupières, mais pas assez vite toutefois, pour que Eugénio n'ait pu surprendre une inquiétante lueur dans ses yeux admirables. À ce moment, les magistrats se trouvèrent à la porte de la loge, qui, peu spacieuse, put néanmoins contenir le juge d'instruction, son greffier, le chef de la sûreté et un inspecteur. Miss Hayden examina curieusement les personnes qui entraient. Sans doute n'aperçut-elle pas qui elle comptait voir, car elle fit retomber doucement le rideau de ses longs cils sur l'ardeur de son regard. Les magistrats écoutèrent le récit désolé que refit la jolie écuyère Rosa de la Huerte de la disparition de son collier de diamants, et celui de Miss Hayden qui, très posément, leur retraça la surprise de ne plus trouver son bracelet. Puis ils passèrent dans le couloir pour examiner le cadavre de la petite Bretonne. Ils retrouvèrent là Paulin Broquet, qui, muni d'une grosse lampe de secours à l'huile, inspectait, cherchait, fouillait. Le médecin légiste amené par les magistrats se tenait penché sur la morte. « C'est étrange, » dit le médecin au magistrat. « Cette pauvre fille ne porte aucune trace apparente de violence. Pas de coup de couteau, de poignard, pas de sang. Pas non plus de trace de coup avec un instrument contondant, un casse-tête quelconque. Il faudra, pour se rendre compte de la mort, faire l'autopsie du cadavre. Je ne puis dire s'il y a crime ou mort naturelle. Cette pauvre fille, dit le juge d'instruction, n'a pu venir se mettre ici pour mourir simplement. Elle a peut-être été étranglée dans la loge de sa maîtresse et transportée ici, cachée, pour qu'on ne s'aperçût pas tout de suite du crime. Probablement, fit-on. Mais, fit le médecin, la jeune fille n'a pas été étranglée. Son cou ne révèle aucune trace de main, de corde, de strangulation. Paulin Broquet intervint. Cependant, c'est bien par une pression au cou qu'elle a été tuée, car il y a indubitablement assassinat. Veuillez regarder, docteur, si aux lèvres, dans la bouche, il n'y a pas un peu de sang. Oh, très peu, de la mousse sanguinolente. Le docteur examina le cadavre. En effet, répondit-il, montrant au bout de son doigt un peu de bave rouge cueillie au coin des lèvres. Voilà. Bon, voulez-vous nous dire si sur le menton de la victime il n'y a pas d'éraflure, de rougeur? Un rien, enfin, qui indiquerait une pression faite à cet endroit. S'éclairant avec la grosse lampe, le docteur examina de nouveau le cadavre. « Parfaitement, dit-il un peu surpris. Il y a une légère érosion au menton. Oh, peu de choses, l'épiderme seulement écorché. Oui, il ne pouvait se produire autre chose. Mais cela nous suffit. C'est l'égratignure laissée par les boutons de manchette de l'assassin. Maintenant, docteur, quand on fera l'autopsie de la victime, on trouvera la colonne vertébrale brisée, près de la nuque. C'est une lésion à la moelle épinière qui a provoqué la mort foudroyante. Paulin Broquet se pencha alors sur le cadavre. Il leva la main de la petite bonne. Cependant, avant d'être prise et tuée, elle s'est défendue. Elle a lutté contre le voleur, son agresseur. Messieurs, voyez, les ongles de cette main sont cassés, un doigt saigne même un peu. Brave Yvonne, pauvre fille, s'écria Rosa avec émotion. Je savais bien qu'elle était fidèle, dévouée. Et voici, ajouta Paulin Broquet, voici qu'elle nous livre un indice précieux, quelques cheveux roux arrachés à son assassin. Dans la main crispée d'Yvonne, Paulin Broquet cueillit précieusement les cheveux qu'il rangea sur un papier blanc. À ce moment, Miss Hayden, qui était demeurée derrière les magistrats, s'avança. « Voulez-vous me montrer votre précieuse trouvaille ? » dit-elle à Paulin Broquet. Paulin Broquet, encore à genoux devant le cadavre, au son de cette voix, se leva vivement. Il tressaillit. Sa figure soudain devint pâle, puis se couvrit aussitôt d'une teinte rosée. Il enveloppa Miss Hayden d'un long et inexprimable regard. Impassible, immobile, sans que rien dans son admirable figure pût se lire, rien de la pensée qui s'abritait derrière son front, sous ses épais cheveux bruns, pût se deviner, Miss Hayden soutint ce regard. À son tour, comme ferait un chat, un tigre, allongeant une de ses pattes terribles ou caressantes, elle avança la main, elle tourna la tête vers le détective, et dans les yeux gris et perçants de Paulin Broquet, on voya l'éclair diamanté de son regard. Cette scène, extrêmement rapide, dont l'importance était grandement mystérieuse entre ces deux êtres merveilleusement doués, échappa à tout le monde. Cependant, toujours calme, Miss Hayden se pencha sur le papier blanc contenant les cheveux que lui tendait Paulin Broquet. Elle les regarda à peine. « Vous ne pourrez rien tirer de ces cheveux roux, » dit-elle aussitôt. « Votre précieuse trouvaille n'a aucune valeur. » Le juge d'instruction, le chef de la sûreté, se rapprochèrent de la gymnasiarque et l'écoutèrent avec anxiété. Elle reprit, de sa voix chaudement timbrée, avec cette intonation calme et assurée d'un professeur faisant la démonstration d'un fait acquis, indiscutable. Ces cheveux, qui ont été portés par l'assassin, je vous le concède, ne sont pas ceux de l'assassin. Ce ne sont pas des cheveux vivants, arrachés en pleine vie. Ils sont grossiers, raides. Ce sont des cheveux travaillés, décolorés, rendus roux par une préparation chimique. Ce sont les cheveux d'une perruque. Voyez, à leur extrémité adhère encore un peu de colle, et même un fragment du tulle qui forme le fond de la perruque dont ils faisaient partie. Paulin Broquet inclina la tête, puis il se tourna vers Miss Hayden. C'est exact. Ce que je croyais très bon n'a aucune valeur. Ces cheveux roux ne peuvent me servir. Il me fait une autre piste pour trouver l'assassin. Miss Hayden ne répondit rien, ne sourcilla point, conserva imperturbable son air de hautaine indifférence. Mais de nouveau, ses grands yeux de diamant lancèrent leur lueur magnétique dans les yeux froids, gris d'acier de Paulin Broquet. Et la plus belle des femmes de l'univers, mais la plus mystérieuse, et le merveilleux perceur de mystères, le plus illustre pourchasseur de criminels restèrent encore, comme tout à l'heure déjà, un instant sous la double flamme de leur regard énigmatique et puissant.